Vous êtes bien sur la messagerie NAS. Laissez un message et je vous débiterai un flow. Ok. Hublot sur mon poignet, j'étais high, t'étais pas né. Reste dans ta campagne si le crime n'est pas à la télé. On est bon qu'à brasser, vous êtes bon qu'à vous chier dessus. Comme les orthos, on va t'apprendre à bien parler. Des liasses, des giros, tous les feux que on les connaît. Les balances ont grandes oreilles, donc on fait pas de photos avec Mickey. Les notes sont surchargées, cigare à la Alpatch. Les chats ne font pas les chiens, pourtant prochaine ouvre leur chatte. Rentre chez toi, nique ta fumeux, on nique la tienne, appelle les feux que. Que tu fais, on le voit pas, nos albums sont aveugles. Beau gosse immature, sapé haute couture. Quand elle remonte mon froc, ces bitches me serrent la ceinture. Voilà qu'on est trop fort, de 45 chaînes en or. Il aura fallu que je les monte en l'air pour qu'ils comprennent qu'on est à bord. Trop fort, tu veux de l'ego, on t'écrase comme un mégo. Nous ce qu'on veut, c'est le mago, ça glisse mieux que ta go. J'ai peur de son père, tous mes textes me dévoilent. Je rêve d'une autre galaxie, que tout le monde regarde les étoiles. Mes flots sortent du Maroc, les tiens nous font gollerie. Je ne lève le drapeau blanc que pour encourager l'Algérie. Ils se demandent pourquoi je pars de là. Ne prends pas le seum pour Atarma. C'est la qui fait sur WAM, c'est sûrement parce que j'ai le délire d'un UCK. Elle sait pas que je m'en bats les couilles de leur vie. J'accélère, je ne vois plus personne en Maserati. Pas nous fiancer, ton boule n'est là pour m'ambiancer. Je dors mieux avec une halal qu'une bitch toute nue sur le plancher. Fallait pas me déclencher, je pourrais plus m'arrêter. Ma couillasse du ON, voilà la relève de tous vos quartiers. 48 l'appel à Moucha, des liens posés sur la bleuta. On porte les courses, ton daron, mais si tu poucaves, j'allume ta Ronda. J'allume ta Ronda, ta sœur, ton frère aussi. Je me sens à l'étroit, comme les capotes à Rocossi. Vodka Red Bull, coup de taureau, couplé loupé, c'est du coup d'ouro. J'ai chopé une sciatique tellement que c'est pédé par sur mon dos. Bien sûr que je suis frais, bien sûr que je ferai des disques frais et mystères fraîches. Quand est-ce que je perds, j'arrête les jazz. Et tu te sens guest. Méta prod, méta prod. Cherche pas frelon, on est les boss. Méta style, NA2S 48 City, on est les boss. On est les boss.